Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. D'abord, quelques infos. Le 9 mai dernier, la bibliothèque du Flash Info Imaginaire mettait en ligne une nouvelle fantastique de Andreia Ilyev. Elle est venue. Vous la retrouverez sur page perso, tradignon, orange.fr/jplanck. Nous apprenions le 11 mai le décès de Frank Frazetta, illustrateur et BDiste américain qui marqua la fantasy de son art. Monsieur Frazetta avait 82 ans. Un article lui est consacré dans la section art du New York Times à www.nytimes.com. Également le 11 mai, Phoenix Webb nous invitait à lire l'entrevue réalisée par Marc Bailly avec Nathalie Do. Un texte de celle-ci est disponible dans la bibliothèque du Flash Info Imaginaire. Voir www.phoenixweb.net et page perso, /jplanck. Aujourd'hui, la première partie de la légende de la chasse-galerie de Honoré Beaugrand. Même si Audiocité a enregistré l'œuvre, j'ai choisi de vous présenter la version de LibriVox, essentiellement parce qu'elle est lue par Wayne Roland, un Québécois, et qu'il s'agit de légendes canadiennes. Et voici donc la première partie de la chasse-galerie. Section 1 de la chasse-galerie, légendes canadiennes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Wayne Roland. La chasse-galerie légende canadienne de Honoré Beaugrand. Quand on part des chantiers, mes chers amis, tout le cœur gai, pour aller voir tous nos parents, mes chers amis, le cœur content. Envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant, envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant. Section 1, la chasse-galerie. La légende qui suit a déjà été publié dans La Patrie il y a quelques 10 ans et en anglais dans le Century Magazine de New York du mois d'août 1892 avec illustration par Henri Julien. On voit que cela ne date pas d'hier. Le récit lui-même est basé sur une croyance populaire qui remonte à l'époque des coureurs des bois et des voyageurs du Nord-Ouest. Les gens de chantier ont continué la tradition. Et c'est surtout dans les paroisses riveraines du Saint-Laurent que l'on connaît les légendes de la chasse-galerie. J'ai rencontré plus d'un vieux voyageur qui affirmait avoir vu voguer dans les airs des canots d'écorce remplis de possédés s'en allant voir leurs blondes sous l'égide de Belzébuth. Si j'ai été forcé de me servir d'expressions plus ou moins académiques, on voudra bien se rappeler que je mets en scène des hommes au langage aussi rude que leur difficile métier. Honoré Beaugrand. La chasse-galerie. Chapitre 1. Pour l'heure que je vais vous raconter une rôdeuse d'histoire dans le fin fil, mais s'il y a parmi vous autres des lurons qui auraient envie de courir la chasse-galerie ou le loup-garou, je vous avertis qu'ils font mieux d'aller voir dehors si les chats-huants font le sabbat, car je vais commencer mon histoire en faisant un grand signe de croix pour chasser le diable et ses diablotins. J'en ai eu assez de ces maudits-là dans mon jeune temps. Pas un homme ne fit mine de sortir. Au contraire, tous se rapprochèrent de la cambuse où le cook finissait son préambule et se préparait à raconter une histoire de circonstances. On était à la veille du jour de l'an 1858, en pleine forêt vierge dans les chantiers des Rosses, en haut de la Gatineau. La saison avait été dure et la neige atteignait déjà la hauteur du toit de la cabane. Le bourgeois avait, selon la coutume, ordonné la distribution du contenu d'un petit baril de rhum parmi les hommes du chantier, et le cuisinier avait terminé de bonne heure les préparatifs du fricot de pâte et des glissantes pour le repas du lendemain. La melasse mijotait dans le grand chaudron pour la partie de tir qui devait terminer la soirée. Chacun avait bourré sa pipe de bon tabac canadien et un nuage épais obscurcissait l'intérieur de la cabane où un feu pétillant de pain résineux jetait, cependant par intervalles,